écouter. Hein. Ça y est. Bah, demande-lui. Ah. Il dit tout le temps non. Il dit tout le temps non. Mika, il veut pas venir. Ouais, si, il va venir après. C'est Pyongyang City Rockers qui commence. Nous sommes mercredi 6 mars 2024. Merci. C'est le numéro 329 de cette superbe émission. Mon cher Jamo, comment vas-tu? Bah, je suis malade, mais ça va. Ouais, bah, comme moi. Merde, pourquoi je me suis mis à côté de toi? Ah, voilà. Bah, c'est, si donc, on reconnaît cette, maladie, cette douce voix qui répond à Jamo, c'est Gaël. Oui. Il y a Mika, mais il est dehors, alors, il compte pas. Et derrière l'arbre de voilà. Micro. Et cette voix aussi, c'est Thibaut. Hey. T'es là? Ah bah ouais, je suis là, je vais bien, je suis pas malade et tout. Thibaut, back in studio, fort. Si t'es malade vu que t'as oublié ton ordinateur. Ah non, justement, c'est une preuve de santé mentale. Ouais, c'est bien, bravo. Et puis bah justement, pour améliorer encore notre santé mentale, ce soir nous avons un invité. Il paraît que c'est la première fois qu'il va parler dans le micro, c'est Cyril. Moi je suis étonné. Salut, ouais, c'est la première fois que... Ouais. Que je parle au micro de ouais ici. Voilà, et alors, et je suis pas malade hein, comparé aux deux là-bas, aux trois là. Enfin. Je t'ai mis du bon côté de la table. On est du bon alors, côté. Cyril, on vous en parle souvent parce qu'on passe souvent les productions qu'il sort avec son label qui s'appelle Dirty Slap Records. Quand on dit hey, bisous hein, Cyril c'était. Voilà. Eh ben Cyril c'était, il est là maintenant. Voilà, vous pourrez l'entendre. Bah t'es venu nous faire carrément, mais sans honte aucune, la publicité de ton label, publicité de ce que tu as déjà sorti il y a peu de temps et de ce que tu vas sortir bientôt. Ouais, ouais c'est ça ouais. Et puis bah voilà, donc on est pendant une heure ensemble sur Campus 106,6. C'est Pyongyang City Rockers qui commence, mais pour l'instant ceux qui n'ont pas envie d'écouter la radio mais de sortir ce soir peuvent aller jusqu'au bout de nos rêves pour voir les excellents Irish Boys. Exactement. Qui devaient jouer à Paris mais qu'ils n'ont pas pu, donc ils sont revenus dans le Nord avant d'aller je sais pas où ailleurs et puis donc ils seront au BNR ce soir, je crois qu'ils vont jouer à 21h30, donc vous avez le temps d'écouter un peu de l'émission et puis après d'aller au BNR. Il y a un premier groupe, il y a un nouveau groupe qui s'est rajouté, donc ils vont peut-être jouer un peu plus tard. Il y a les Enfants Perdus qui mais les Enfants Perdus ils jouent à 20h30 hein, voilà quoi. Ça va. Et donc ouais, j'ai vu le running order, comme on dit, dans les milieux autorisés. Bah, moi, je m'autorise à passer Irish Boys avec The Letter, qui n'est pas une reprise. Ah. Et tant qu'on est sur les concerts du BNR, il y a Bongo Kids vendredi et samedi, il y a Smoke Bomb. Pour tous les fans de fusion, hardcore, metal. Ouais, puis il y a d'autres groupes. Il y a un autre groupe qui fait du hopcore. Mais je sais pas comment il s'appelle. On peut dire que Smoke Bomb fait du hopcore aussi. Hein. Mais bon, bref. Mais eux, ils appellent pas ça comme hopcore. Ça. Un autre truc. C'est l'ancien terme pour les premiers groupes qui mélangeaient le metal et le hip-hop. Ah bon, ok. Ouais, c'était dans les années 90. I'm gonna make it. Alors, est-ce que c'est sorti sur Dirty Schlag Records? Non. Non, pas encore. Mais certainement, tu pourrais leur faire un petit peu de place sur ton label. Tous discutants. D'accord. Non, c'est pas vraiment ton truc, le punk irlandais et le bignou. C'est moins ma cam, mais j'en écoute pas du tout, ouais. Donc j'y connais rien, mais écoute, il y a des bons trucs que tu connais, c'est Dropkick Murphys. Je pense, ouais, c'est ça, ouais. Et là, ça me rappelle ma jeunesse, hein. Ah, tu vois, il y en a qui en font encore. Ah ouais, puis j'ai oublié de dire tout à l'heure à l'antenne que dans Razel Air Ditch Boys, maintenant, le batteur, c'est le batteur de tous les groupes, Ripoll. Donc, il joue dans tous les groupes. Bon. Il joue dans le bingo crépuscule que j'ai chopé. Bah, pas encore, pas. Mais ça va pas tarder. Je voilà. En remplacement, en remplacement. Ouais. Bon, alors, ça fait combien de temps que tu fais ce label Et bah, ça tombe bien, comme ça je suis allé voir mes archives et tout un peu. J'ai vu que ma première release c'était en octobre 2016. Ah ouais, quand même. Ouais. Ah ouais, bientôt les 10 ans, dans 3 ans. C'est ce que je me suis dit, genre. Les 10 ans, il va falloir faire quelque chose. Et comment ça t'est venu? Bah, en fait, avant Dirty Slab, j'avais déjà un label avec des potes, là, avec Guillaume et Gauthier. Il s'appelait Impeccable Records. Et on avait fait ça à trois, et puis au fur et à mesure, c'est un peu... ça s'est estompé et tout, et moi, du coup, j'étais en mode, bah en fait, j'ai envie de continuer et de remonter un truc tout seul. Enfin, tout seul, il y a moyen de le faire et tout, donc j'ai fait, bah en fait, je vais faire un truc pour moi, quoi, et puis voilà, ouais. Et avant, t'étais en full cassette aussi, sur Impeccable? Et on faisait que des cassettes aussi, ouais, ouais. Ok, d'accord, même c'est sorti là, qui, sur Impeccable? Ouah, alors là, ça remonte, hein. Il y avait, bah on avait sorti Slice of Life, comme c'était leur groupe et tout, là. Je sais qu'il y avait une des dernières, c'était Another 5 Minutes. Après, c'était plus avec ce qu'on écoutait à l'époque aussi, hein, et des trucs de modern hardcore, des trucs comme ça et tout ça, là. Mais... Est-ce que je me trompe si on peut dire que Dirty Slap Records, c'est un peu la continuité d'un feu label lillois qui s'appelait Give Us A Chance? Je sais pas si je peux me permettre de dire ça, mais ouais, c'est un truc qui m'a beaucoup parlé à l'époque, ça, ouais, ouais, carrément. Bah, c'est un peu les mêmes genres de groupes que Give Us A Chance, s'ils continuent, enfin, s'ils étaient toujours si, actifs. Je pense que oui, il y aurait moyen, ouais, ouais, vu qu'ils sortaient beaucoup de trucs de Lille, les trucs du coin, les démos et tout ça, donc oui, oui, c'est un peu ça, ouais. Ouais, c'est vrai. Je te l'accorde, celle-là. Et donc, t'en as combien de releases, là, pour le moment? Il y en a 34 de sortie. Donc moi j'ai la 33 Bingo Crépuscule, la 34 c'est Dogmen, je pense. Dogmen, qui est un nouveau groupe de... Groupe de tournée. De Tom qui joue dans tous les groupes aussi. Et c'est comment? C'est toi qui te proposes quand tu vois des nouveaux groupes, ou alors est-ce que c'est les groupes qui te contactent? Ça se mélange un peu, tu vois, genre ouais, il y a des groupes qui me contactent. Moi, quand j'ai envie de sortir des trucs, je leur dis ça, j'aime bien, ouais, ouais. Et quand j'entends parler de nouveaux groupes, je suis en mode bah vivement la démo, tu vois, genre on va faire ouais, ouais. Enfin, il y a moyen, tu vois. Tu te précipites dessus, ça se bouscule au portillon pour sortir les démos des groupes ou pas? Non, franchement, enfin bon. Ça se fait. Et puis c'est pareil. Après, moi, je suis dans l'idée de, je suis tout seul, je peux pas non plus sortir 10 cassettes par mois, tu vois, genre ça se fait au fur et à mesure avec. Ce que j'ai à ce moment-là et tout ça, comment ça se passe, et puis voilà quoi. Et ça va vite de sortir une cassette? Ça va super vite, ouais. Parce que là, genre, Dogmen, on les a vus sur Bandcamp, et genre, une semaine après, la cassette était disponible, ou alors même le jour où ça a été dévoilé, je sais plus. Ah ouais, je pense que là, on l'avait fait comme ça, ouais, c'était vraiment... On avait décidé de, quand je reçois les cassettes, on met en ligne, parce qu'il était pas pressé pour mettre les sons avant et tout ça, quoi. Ouais. Et donc, comment t'as entendu parler de ce groupe? Parce que Dogmen, ça arrivait un peu comme un cheveu dans la soupe. Bah, exactement. Personne n'en avait entendu parler. C'est Tom qui m'envoie un DM. Hey, salut, dans la tête de Tom, bah, j'ai un nouveau projet, j'ai tout fait tout seul. Ça te dit de le faire le faire en cassette et tout, là? Et du coup, bah, j'ai écouté, j'ai fait, ok, c'est une dinguerie ce que t'as fait, comme d'hab. Comme souvent, ouais. Et puis, voilà, du coup, j'étais là. À ce moment-là, c'est bien tombé parce que... j'avais un peu de sous et tout pour le sortir, j'ai fait bah let's go, ouais, bien sûr, on le fait, quoi. Alors pour ceux qui suivent moyennement l'émission, il était dans ici il y a quelques semaines avec Pédigré. C'est ça. Un autre de ses projets. Son projet principal pour le moment. Ouais, c'est ça. Et donc maintenant, c'est ça y est, la machine est enclenchée, les gens viennent te chercher, t'as plus besoin de... Bah en vrai, je me rends compte que ça va, je reçois pas trop, pas des demandes comparées à... Enfin, j'en parlais, j'ai déjà parlé avec Mika et tout, qui est des gens qui reçoivent des mails en mode tous les jours et tout ça, genre, hey, salut, j'ai besoin de sortir ça et tout. Non, j'ai cette chance de pas recevoir trop de trucs et ça, c'est cool. D'accord, donc tu peux quand même aller chercher des trucs, y compris dans des régions lointaines et non Nord-Pas-de-Calais. Bah, du coup, ouais, voilà, il y a ça aussi, ouais. Et puis, il y a vraiment des projets que j'ai sortis, c'était en mode, putain, bah, je suis tombé sur cette démo, c'est trop bien, j'ai envie de la sortir dans le coin, quoi. Parce que ça fait chier de commander des cassettes aux États-Unis aussi, tu vois, les trucs comme ça au Canada, et de payer je sais pas combien de frais de port, quoi. Ah bah, puisque tu parles d'argent, sortir une démo, bah par exemple Dogmen, je sais pas quoi, enfin peut-être je devrais pas dire, mais il y en a combien là qui ont été on a fait 100. Faites 100. Et les 100 là, ça coûte cher à faire. Tout est relatif, tu vois, qu'est-ce que ça veut dire cher Non, ça revient à peu près... On parle vraiment d'argent, là? Bah, bien sûr. Attends. Il y a des gens qui nous écoutent... Tu peux mettre une fourchette. Ouais, tu peux mettre des fourchettes parce que ça peut changer d'un groupe à l'autre. Ah ouais, je pense que max, maximum par cassette, on arrive encore à s'en sortir pour 4 euros, tu vois. Maximum. Après, ça dépend ce que t'ajoutes, combien ta bande, elle dure, des trucs comme ça, mais... Maximum 4 balles, je pense, ouais, prix coûtant. Donc, ça donne aussi une idée, comme tu fais tes cassettes à prix libre. Ouais. Si vous mettez moins de 4 balles, vous êtes un rapia ou une rapiate. Bah, pas rapia, c'est juste qu'ils le savent pas. Ouais, bah voilà, et maintenant vous le savez. Maintenant vous le savez. Vous c'est pas grave, votre... après s'il y a des gens qui veulent mettre 10 balles, ça s'équilibre très bien. C'est le jeu du prix libre. Vois, en vrai. Et alors, il faut avoir une idée quand même de ce que ça donne, quoi. Où est-ce qu'on produit ça? Parce qu'on a l'impression que c'est... Enfin, pour beaucoup de personnes, moi je suis un gros consommateur de cassettes, mais pour beaucoup de personnes, c'est un objet obsolète. Et qui produit encore ces objets obsolètes? Bah, il y a plusieurs usines en Europe et tout qui en font encore. À l'époque de Impeccable et tout, on les dupliquait maison et tout, sur une platine double deck et tout, là, ouais. Donc, c'est ça que, quand j'ai commencé tout seul, j'étais genre, ça va pas être possible. Ouais, tu fabriques pas du. Ouais, Sinon, ce sera que des éditions. Enfin, ouais, je pourrais en faire 20, quoi. Et sinon, après, ça va être chiant, quoi. Et tu vois que ça coûte pas plus cher de tout faire dupliquer, en fait. Ouais. Donc, c'est ça aussi qui est cool, de pouvoir faire des beaux objets et tout ça. Puis, ça permet de faire perdurer l'usine qui fait des cassettes. Ouais. Non, mais ça, c'est vrai. Bah non, mais c'est quand même un des formats qui revit et que j'utilise, donc ça me ferait chier que demain il n'y ait plus d'usine de cassettes. Ouais, puis en plus, faire ça dans un environnement professionnel, ça permet d'avoir un bel objet jaune comme cette cassette de chien flic. Alors que sinon, ça serait marqué dessus Sony machin 60. Ouais. Et avec un stylo, un blanco, comme avec on appelle. Avec ton blanco, ouais. Voilà. Et puis aussi une belle jaquette à bien imprimer, tout le bordel, quoi. Enfin, voilà, c'est chez Bioch. Hein. Ça se trouve où? On va peut-être passer de la musique parce qu'il est quand même déjà 20h15, vous écoutez Radio Campus, c'est Pyongyang City Rockers, et je suis sûr que tu as envie de passer à un titre de quelque chose que tu as sorti il n'y a pas longtemps ou que tu vas sortir, j'en sais rien. Allez, vas-y, dis-moi. Eh ben, on parlait de Dogmen, donc on peut mettre Dogmen. Carrément. Ça joue pas mal ces prochaines semaines. Ils ont un week-end avec Veto et Night Vision. Night Vision. C'est le week-end du 29, 30, 31 mars. Après, ils seront aussi à la fête de la musique du Watermoulin le 22 juin, il me semble. Je ne sais même pas si ça a été dévoilé, courant, mais voilà, total exclu. Au courant de tout. Toi. Et Dogmen, ce sera... C'est laquelle que tu préfères? Le futur groupe sensation de tournée. Ouais, j'aurais mis tout l'EP, hein, mais genre... j'avais noté, Dig. Dig, bah ouais, bah je l'ai là. Allez, creuse Stéphane, creuse. Toi tu creuses. Sur le 106,6, Pyongyang et Stalkers, Dogmen. Ça se bagarre dans le studio entre Dirty Slaprakers et Don't Trust the Hype. Mais non, mais viens t'asseoir, Mika. Viens t'asseoir. Allez, Mika, de toute façon, on va parler de toi. Ouais. Viens te défendre au micro. Donc, Dogmen sur le 106,6, c'était le morceau Dig. C'est, je vous ai dit, hein, la nouvelle sensation, groupe sensation tournésien. Il n'a pas encore joué, lui? Non. Enfin, en live, je veux dire. Non. Ça va. Ah, bah voilà. Et alors, Cyril, est-ce que. Si, ils ont déjà joué. Hein. Ah ouais? Ouais, ils ont joué. Liège. C'était à Liège, Power Plant, exact. C'était leur premier concert, Power Plant. À le bras long. Bah voilà. Est-ce qu'on pourrait avoir l'espoir un jour de voir cette démo sortir en vinyle? Ça sort en vinyle d'ailleurs, je n'ai plus le nom du label, mais sur un label belge et tout, mais Tom m'a dit, mais ouais. C'est prévu de sortir en... Ouais, il y a une version vinyle. Et toi, tu participeras à l'édition vinyle ou jamais tu sortiras de vinyle? Pour l'instant, je suis très bien avec mes cassettes. Et donc, j'ai pas... Non, je me... Enfin, il y a plein de labels, je pense, pour sortir les vinyles et tout. Donc, pour l'instant, je me sens pas dans... Enfin, j'ai pas l'envie de partir là-dedans, ouais. D'accord. Parce que quand on sort des groupes et que, en général, ils sortent une ou deux cassettes... Ah bah ensuite, ouais, moi je sais que mon truc là c'est plus les démos, les trucs comme ça. Découvreur hein, de talent. Mais je trouve après, que c'est cool, enfin, c'est un format qui se prête beaucoup à ça aussi, la cassette, tu vois, genre. Après sortir des LP et tout, enfin ouais, peut-être. T'as aussi fait la discographie de Kronstadt. Ouais. Avec des trucs. Bah ouais, c'était l'occasion pour leur dernier concert et tout, ils voulaient faire la disco, ouais. Donc on avait fait ça. On s'est jeté dessus, t'en as pu? Il y en a plus, il y en a pas eu longtemps. Voilà. J'en ai deux trois à la maison, je crois. Toi aussi, tu les gardes dans un placard. Tu vas les ressortir encore. Non, encore. Ils sont exposés. Ils sont exposés. Numérote-les, nuit. Je voulais savoir aussi. Tu numérotes tes cassettes ou pas, non? Là, oui. Moi, j'en ai une numérotée. 111 sur 150. D'accord. Ok. C'est Victor qui a voulu les numéroter. Ouais. Parce qu'elles sont pas toutes, en fait. Non, ça dépend. Après, c'est un peu chiant aussi à faire, tu vois. Ça va, tu sors pas 10 cassettes par mois. Et je voulais savoir, est-ce que tu organises des concerts pour les groupes que tu sors? Est-ce qu'il y a des release parties d'Artist Lap Records? Non, mais après, c'est plus... c'est pareil, c'est plein de potes qui organisent les concerts, et du coup, quand... moi, je vois des gars qui, genre, n'osent... Enfin, c'était pas une release party, tu vois, mais on les avait fait jouer à Lille. Et du coup, j'étais en mode, ah, bah, trop bien de pouvoir les faire venir à Lille, tu vois. Et ça, on l'avait organisé avec des copains, et donc, voilà, ouais, ouais. On en parlait tout à l'heure, bientôt les 10 ans, enfin, dans 3 ans. Est-ce qu'on pourrait éventuellement... penser à un concert anniversaire avec des on artistes verra d'ici référents. Là, on verra. Mais c'est quelque chose qui te fait pas peur, ça. Bah, je sais qu'il y a moyen de l'organiser avec du monde et tout, tu vois, mais. C'est pas ta priorité. Tout est possible. Tu... Non, c'est pas la priorité dans la non plus. Dans la bande, dans la bande, dans la bande. Mais pourquoi pas, ce sera un des trucs à discuter et puis à voir comment ça avance et tout ça aussi d'ici là. Hein. Ouais, ouais, carrément. Est-ce que tu peux nous parler un peu des prochaines sorties? Ouais. Ouais. Il y a 3 cassettes qui sont prévues là. Parce que tu fais pas beaucoup de publicité en mode bientôt nous sortirons ceci, cela. Bah non, je fais jamais là comme ça. C'est plus tu en mode quand c'est sorti, tiens, quoi. C'est sorti et enfin ça vient de sortir et puis voilà, ouais, ouais. Et du coup, il y a le nouvel EP de 9 volts qui va sortir en cassette. Un groupe de Tours. Plutôt punk hardcore avec Mika a validé, ouais. Ça me fait plaisir. Ouais. Ouais. Là, c'est... Donc ça fait quoi? Il pourra pas le sortir plutôt, en vinyle. Plutôt punk hardcore et puis avec un chant féminin et tout, et c'est vraiment cool. Ok. Ça, il y a des morceaux en ligne déjà, il n'y a pas de truc. Et ensuite, on va faire la discographie de Turquoise. Ah en oui, cassette. Bon. Déjà la discographie, donc. Ouais, t'as eu 2 LP et ça y est, discographie. Et non, mais c'est aussi pour. Non, ils arrêtent pas, c'est qu'ils partent en tournée en avril et du coup. Ouais. C'était dit que c'était l'occasion de leur faire une petite cassette aussi. On est 3 labels dessus avec 2 mecs de Paris. Creepozoid et Happy Gory de Paris. Et du coup, on le sort à 3 pour leur filer un coup de main. Ouais, c'est vrai que c'est pas mal comme truc à transporter en tournée, les cassettes. On prend moins de place que des bacs de scud. Hein. Et c'est peut-être moins lourd, non? Ouais, j'allais en venir. Le format cassette, pas cher, rapide à faire. Et quand même un petit objet de collection, on va dire, parce que tiré à pas beaucoup d'exemplaires, ça permet de faire pas mal d'éditions limitées, même pour des groupes qui ont déjà des albums, de se dire, allez, on va faire une spéciale Eurotour avec une cassette. Ouais, ou de faire des discographies, des trucs comme ça, tu vois, ouais, carrément, ouais. Il y a des groupes que t'aimerais faire ça un groupe, je veux sortir un truc bien spécial avec ce groupe-là. Genre la discographie de Kronstadt. Et bah là, c'est parce que ça s'est présenté, et puis il y avait un événement par rapport à ça et tout, mais là, non, j'ai pas d'idée de groupe tout de suite que je me dis, genre, ce truc-là, je veux... Après, ce serait possible de, genre, je vois des groupes tourner en Europe et de me dire, enfin, après, faudrait que je prenne la peine de les contacter et tout, mais de dire, bah, on pourrait faire un press pour la tournée, des trucs comme ça, ouais, ouais. Ça pourrait être des trucs qui me bottent, ouais, ouais. Après... On va revenir sur les prochains groupes, donc on parlait de 9 volts de Tours. Ouais. Il y a quoi d'autre? Du coup, Turquoise, ah oui, discographie, Turquoise, la discographie. Et Paratonnerre, un nouveau groupe de Paris. Paratonnerre. Ils ont fait 2 concerts. Ils sont 3. Il y a Victoria Auchan qui joue dans Maribel et Ono It's Diva. Le batteur qui joue dans Miss France. Et la bassiste. J'ai mes notes. Hein. T'as raison. Qui s'appelle Guimez et qui habite à Paris, mais qui vient de Turquie. Elle jouait dans Ugly Shadows. Et je suis tombé dessus cet après, mais j'étais là, mais oui, mais je connais ce groupe, en fait. Un truc dark punk, c'est elle qui chantait dedans et tout, et c'est vachement bien. Ah ouais, un truc qui était sorti sur encore ce label de... The World Divided, ouais. Ouais. Justement, voilà. Je suis retombé là-dessus, j'étais là, bah, les connexions se font jusqu'au bout. C'est fou. Est-ce qu'on a un morceau de Tchak? 9 volts, oui. Tchak. Turquoise, oui. Moi, j'ai pas de 9 volts, là, mon frère. Ça peut s'arranger. Ouais, j'en ai. On a ça, on écoute ça. Pour 9 volts, t'as un morceau en particulier à nous faire je vais découvrir. Noter Nothing sur le deuxième EP. Nothing, rien du tout. Ou well, alors, ça, Stéphane. Attendez, parce que là, je dois aller chercher sur le machin. Hein. Ah ouais, alors, ça fallait pas le dire. Démo 2021, si, je ça le dis. Ça sort quand, 9 volts? Faut tout dire. Et bah, quand j'ai les cassettes, fin du mois, début avril, un truc comme ça. Les 3 vont sortir en même temps? Bah, il y a des chances, ouais. Parce que je vais tout commander en même temps. Où est-ce qu'on peut trouver les cassettes qu'on va écouter là? T'as un site internet? Tout est sur Bandcamp, ouais. On peut acheter directement via Bandcamp. On peut acheter dessus si vous habitez pas à Lille, sinon c'est plus simple de juste m'envoyer un message, quoi. À l'ancienne. À l'ancienne. À dirtyslaprecords@gmail.com. Et pour les gens qui sortent assez souvent dans les concerts, genre CCL et tout ça. Ouais, souvent j'emmène la distro. C'est la petite valise où il y a écrit avec une petite boîte prix libre à côté. Exactement, c'est ça. Et on sert et puis ça. Et il y en a quelques-unes au distro aussi. J'ai une petite. Je mets les dernières releases là-bas. Exact. Au fond, là, quand tu entres, c'est au fond, là, à gauche un petit peu. Ouais, il y a un petit coin cassette qui s'est fait au fur et à mesure là-dedans, ouais. J'ai 9 volts, c'est nothing, ça. Ouais. Et ben, j'envoie alors, puisque c'est comme ça, hein. Enfin, si vous voulez. 9 volts, nothing. C'était Turquoise, donc dont tu vas sortir une discographie bientôt, mon cher Cyril. Ouais, c'est ça. Et ouais. Le titre, c'était Guerre du Feu. Ouais. Bon. Voilà. Choisir un morceau, tout est bien. Écoute, voilà. Ouais, ils sont passés une paire de fois à Lille déjà. Je sais même. Ça a joué à Lille même, je suis pas sûr. Oh, je sais pas. Ça avait joué au Pit. Ah oui, c'est ça, c'est au Pit. Putain. C'est fou quand même. Bon. Et donc, comme tout à l'heure, tu nous parlais de Paratonnerre que tu vas sortir dans pas longtemps, tu nous as déjà ramené un titre qui sera sur la cassette que tu sortiras. Ouais, ce sera un des quatre titres sur la cassette. Ce sera donc, certainement une démo. Ouais, ce sera une démo. Ce sera pas un album hyper produit. L'enregistrement est bien. Après, ça veut rien dire, tu vois. Mais oui, c'est les premiers morceaux qu'ils ont enregistrés. Ouais. Maintenant, démo, ça a plus que. Attends, parle. Maintenant, démo, ça n'a plus que le nom de démo. Hein. Ouais, beaucoup ça, sont enregistrés comme un album. Ouais, ça dépend. Beaucoup, j'ai dit beaucoup. Ça veut dire qu'il y en a certains qui ne le font pas. Et j'ai cru entendre que Paratonnerre serait en concert dans le coin bientôt. Non, c'est 9 volts. Ah merde. Bon, mais pourquoi Mickey m'a parlé de Paratonnerre? Non, il a bien dit 9 volts. Ah, il joue pour la release de Short Days le 4 mai au CCL. D'accord. Ouais. Bon, Chris, parti de Short Days, c'est bien. Je ne sais pas si ça avait été annoncé. Exclu total. Carrément, là. Juste comme ça en passant, tu vois. Et ben donc, Paratonnerre, tu nous as ramené un titre, encore un truc qui dure super longtemps, 1:26. Bah écoute. C'est un peu la marque de fabrique d'Ortis La Précorce, le morceau court. Hein. Ah ouais, mais après, quand tu regardes, il y a un peu de tout. Hein. Quand ça se fond dans la masse, faut regarder après, mais. C'est pour économiser de la bande que tu fais ça. Que des groupes qui font des morceaux courts. À moins de 10 minutes la démo, sinon. Sinon, c'est après, foutu. On saute deux tranches et ça coûte plus cher. Paratonnerre avec Noir, bientôt sur Dirty Slap Records. Mais non, mais arrêtez quoi, mais c'est pas possible. Ça va beaucoup trop vite cette affaire. Vous écoutez Pyongyang City Rockers, c'est sur Campus en 6,6 et puis tout le bordel là, vous savez. Le DAB. Et puis on est encore ensemble jusque 21h avec ce soir Cyril de Dirty Slap Records. Petite question technique. Quand on sort des vinyles, on a des tests presse. Est-ce qu'il y a des tests presse pour les cassettes? Au tout début, mes premières releases, ils m'envoyaient la bande avec la matrice où ils imprimaient la cassette. Du coup, je peux pas le dire sinon après. Ah ouais, Non, j'ai Jody Faster et Tap Worms, je pense, où j'ai les bandes et tout de ça. Mais après, ils les font plus, mais ils les gardent là-bas et comme ça, pour les repress, ils les ont sur place direct. Ouais. Ah d'accord, ils les gardent maintenant. Ouais. Ils les renvoient plus. Non. Moi j'en ai une de Gravus, c'est pour ça que je demandais. Ah, tu l'as aussi, ouais. Bah voilà, c'est pour ça. Ça va Thibaut? Ouais, ça va, et toi? Bah ouais. Ouais. Je te vois piaffer là, en plus t'as écrit des trucs. Ouais, avec je piaffe pas. Je piaffe pas. Non. Ah, je sais pas, tu veux savoir ce que j'ai écrit? Bon, allez. Avec ton crayon. Et bah du coup, aujourd'hui, j'ai eu un petit mail dans ma boîte mail qui m'a annoncé que Gours, ils avaient ressorti. Qu'ils ont sorti leur nouvel album. Donc c'est un 8 titres qui sortira en physique le 21 mars prochain, c'est chez Symphony of Destruction. Et bah voilà, pour ceux qui nous écoutent, qui connaissent pas ce groupe, donc c'est un groupe évidemment voilà punk, oi, voilà, hein, faut le rappeler. Hein. Et c'est un groupe basque. On a eu l'occasion de voir de nos propres yeux ébahis il y a pas longtemps. Et ils reviennent, je crois, dans pas longtemps. Mais on les avait vus à Louis Pleur 2023. Et je crois qu'ils repassent dans le coin dans pas longtemps, mais je ne suis pas sûr. Et bref, en tout cas, ils ont sorti un... T'es pas au courant, Gaël ? Non. Non. Bon. Si Gaël sait pas... Ah ben, je sais pas tout. Ah oui, c'est pas si, tout. Si, je suis si, en Belgique, si, maintenant. Si. Ah. Ça joue pas en Belgique, alors. Tout n'arrive pas jusque là en Belgique. Ah, en plus, t'habites dans la montagne belge, toi. Exactement. Ah ouais. C'est compliqué. Et bref, cet album s'intitule « Guerrar Bizigara ». Nous vivons en guerre, en basque, voilà, simplement. C'est le nom de l'album aussi, non ? Ouais, c'est le nom de l'album, tout à fait. Le morceau que j'ai choisi, c'est Wolverine. C'est un morceau qui parle, bah, en fait, d'émeutes. Voilà, des gens qui retournent, qui viennent de la périphérie pour tout cramer en ville, parce que ils estiment que c'est légitime. Et je pense qu'on peut s'arrêter là-dessus. On peut envoyer ce morceau. Voilà. Oh, ouais. Rockers, l'émission qui ne fait pas de politique. On a appris que le chanteur de Gours, c'est lui qui faisait Catharsis. Un groupe qu'on avait passé il n'y a pas longtemps, ouais, dans Pyongyang, et qui déchire du post-punk à fond les ballons. Sandpunk même. Alors on va rester en Espagne avec le trio féminin de Murcia Aren, qui a sorti un nouveau scud sur le label basque Mendekudiskak. 5 nouveaux titres sur un 12 pouces qu'elles ont appelé antisocial, antisocial. Elles avaient déjà sorti une démo cassette en 2022, un 7 pouces en 2023, une cassette que vous pouviez d'ailleurs retrouver dans la distro Dirty Slap Records, Il n'y en a plus. Hein. J'ai choisi le morceau Policia No. Tiens donc. Donc, extrait de ce nouveau Scud. On écoute de suite Aniela Hernandez Esquerdo. Voilà, maintenant, tu vois, tu m'as coupé. La dame, elle va se dire, ils ne savent pas prononcer l'espagnol en France. Donc, on en écoute Belgique. De suite Aniela Hernandez Escudero, Maria Silla et Marta Martinez Miniano sur Radio Campus Lille, émission Pyongyang City. Rocker. Arène, Policia, No, 106,6, campuslille.com. Oui. C'est Pyongyang City Rockers avec le fade out de l'enfer. Et on, pendant ce temps, nous parlons gros sous encore. Hein, gros sous, nous, ouais. Y a que ça qui nous intéresse. L'argent, l'argent, tout le 12 balles la cassette de ce qu'on a écouté, c'est ça hein, 10 balles, ouais, un truc comme ça, j'en sais des zolas. Je sais plus quand. Une fois, je suis allé il n'y a pas longtemps à la Malterie, à un groupe qui faisait une cassette et un LP, je crois. Et il n'y avait quasiment pas de différence de prix. Ouf, c'est ah ouais, on en est là, ok. Ouais, donc bon. Hein ah non, c'était un CD peut-être. Donc c'est pas la même chose quand même. Bon, bref. C'est mieux, du coup. Ouais. Bah, moi je préfère la cassette, il y a ce petit bruit là, tu sais. Le cloc aussi quand on lance. T'as pas une cassette là ? Bah c'est j'en ai là, on va la lancer, ça fait un bruit, un petit bruit savoureux. Moi j'adore ce genre de choses là qui font pas propre. Tu aimes bien le son propre toi pour les cassettes que tu fais ou t'aimes bien quand ça a un gros. Moi j'aime bien la souffle. Musique t'aimes après. Ouais. Ah ouais, ouais. Quand ça reste dans le cassette. Fond là et tout. Ouais. Mais donc ton premier label, vous faisiez déjà de la cassette. Est-ce qu'il y a eu un moment où tu n'as pas écouté de cassette ? Je sais pas. Est-ce qu'il y a un moment où dans ta vie d'amoureux de la musique où tu as arrêté d'écouter des cassettes parce que t'étais passé à un support qui était vachement mieux, genre les MP3 ou les vinyles ? Bah, j'écoute toujours de la musique en ligne. La journée c'est le plus facile, tu vois. Et puis ouais. J'écoute des vinyles aussi, tu vois. J'ai pas mal de vinyles chez moi, mais. Ouais, après, si, j'ai une belle collection de cassettes aussi, tu vois, c'est cool. T'es très 90s, hein, t'écoutes des cassettes, tu portes une montre. Est-ce que la cassette, c'était le support de ton enfance quand tu t'es mis dans la musique mon enfance. Parce que j'ai l'impression que c'était soit sur la fin c'était ou la fin, genre, non, existant. Moi, j'ai jamais acheté une cassette quand j'étais petit et tout, là. Moi, c'était mon premier. Enfin, le premier truc que j'ai acheté, c'est un CD, ouais. Qu'est-ce qui t'a fait alors oui, aller vers la cassette ? C'était quoi ta première cassette qui t'a donné l'envie de te lancer là-dedans ? Bah, j'ai pas d'exemple, mais tout à l'heure on parlait de Give Us a Chance là. Je pense que ouais, c'est les premières cassettes que j'ai vues un peu en traînant dans les concerts et tout. Ou pareil, moi j'habite à la base, j'habite du côté de Tours et tout, et donc il y avait la clique, enfin il y avait les connexions entre Lille et puis Daily Mind et toute la clique comme ça là, et du coup il y avait eux sortaient pas mal de cassettes, ouais ouais. Mais du coup oui, je pense que ouais, Give Us a Chance, c'est les premières cassettes que j'ai vues et j'étais là, bah le support est cool, ça coûte enfin c'est pas cher, tu vois, même quand tu l'achètes en concert tu te dis bah j'ai un souvenir, c'est pas cher quoi. Et est-ce que c'est comme dans le vinyle où on peut voir des fois 10-12 labels sur un vinyle, Est-ce qu'il y a de la coprod de cassettes? Bah moi je fais, enfin je sais pas si j'en fais de plus en plus tu vois, mais ça m'arrive de faire des coprods, ouais souvent on se met à deux labels. Là je disais, enfin la disco de Turquoise, on est trois labels dessus, enfin on se partage. Après ça dépend des groupes aussi tu vois, quand enfin est-ce qu'on a envie de le sortir qu'une fois, enfin que par mois à Lille, ou est-ce qu'ils ont peut-être envie de le distribuer par d'autres labels, ils sont pas forcément du coin et tout, donc c'est peut-être plus facile aussi, tu vois. Il y a qui d'autre qui est sur ce marché-là? Le marché de la cassette. Je sais qu'il y a Doug de Cuir, qui a son 40 Tapes Records. 40 Tapes. Il y a Alex d'Offside Records. Ouais, qui sort aussi de la cassette, ouais. Il y a les Grenoblois aussi, là, c'est comment qui faisons Diaspora et tout là, il y a un label cassette aussi. Ouais, je vois le label, ouais, du coup ils dupliquent aussi eux, j'ai perdu le nom là. Ouais, j'ai pas non plus. Il y a pas de petite guéguerre genre faut vite que je le fasse avant qu'un tel le sorte ou Bah, je crois que j'ai la chance d'être à Lille et il y a un bon vivier de nouveaux groupes et tout le temps, donc Tu peux show devant tout le monde. Et ouais, moi j'ai tout. T'arrives même à avoir des groupes tunisiens, dis donc, c'est quand même beau. Et bah du coup, ça c'était une connexion avec A World Divided, qui était un label. Du coup, c'est Gas qui habite à Montréal. Maintenant, ouais. Il est parti revivre en Tunisie, ouais. Mais du coup, qui avait un label à Montréal et qui sortait que de la cassette aussi. Et du coup, c'est pour ça que j'avais commencé à le contacter pour qu'on échange et tout, et à un moment il m'a dit, je viens de monter un projet là. Et il s'est bien spécialisé dans les groupes de pays du bassin méditerranéen, on va dire. Ouais, enfin, c'est plutôt, ça. Mais pas européen. Ouais. Voilà. Donc tunisien, turc, libanais, etc. Il y a pas mal de choses qui sont sorties là-dessus, c'est franchement bien, quoi. Et d'ailleurs, donc t'as sorti Khassarat, je sais pas si ça se dit comme ça. Je pense que ça se dit comme ça. Ouais. Mais je sais pas ce que ça veut dire, parce que bon, moi le russe, je comprends pas. Et lol. Ouais, lol. C'était déjà sorti sur World Divided. Du coup, ils l'avaient sorti, eux. C'était sorti aussi en Angleterre chez Noise Merchant Records. Ouais. Et du coup, moi, en fait, depuis le début, en fait, je lui dis, ouais, j'ai envie de le sortir et tout. Et on l'a fait à deux, en coprod, pour le coup, avec Dans le Vide à Toulouse, avec qui j'ai fait pas mal de coprod aussi, là, avec Pablo. Et du coup, on a fait, vas-y, on le sort à deux. Enfin, ça avait du sens de qu'on le sorte, nous, en France, en fait. Ouais. Et donc, là, il y a eu une plus. Enfin, c'est sorti plus d'exemplaires qu'habituellement ou pas? On en a fait 150, je crois. Ah, voilà. Il y a beaucoup de gens que ça intéresse ou pas? Parce qu'en fait, souvent, moi, j'ai l'impression que les gens. Enfin, il y a beaucoup de gens qui se concentrent sur des groupes un peu connus, puis après des trucs en anglais. Et dès que ça chante dans des langues bizarres, il y a des fois des regards interrogateurs. Et là, là, c'est de l'arabe, quoi. Là, c'est de l'arabe. Ouais. Et donc, ça va. Ça fait plaisir d'écouter des groupes. Ah, mais moi, ça me fait plaisir aussi. Hein, j'ai toujours adoré ça. Il y en a de plus en plus des groupes qui chantent en arabe. Il y a aussi un groupe de Montréal, je ne sais plus le nom, qui a sorti un disque complètement chanté en arabe. Il y a aussi un groupe. Il y a Takbir aussi, là, qui ont fait. C'était un peu. Non, c'est des. Dans le Jersey, là. Non, Takbir, c'est des Marocains. C'est des Barcelonais. Qui sont Barcelone. Je sais qu'il y a un groupe du. J'ai perdu le nom là, mais ouais, je vois le truc de New York et tout là. Ouais, ça se fait de plus en plus. Ouais, bien sûr. Non, mais puis après, il y a des Turcs qui chantent en turc, etc. Quoi. Et comment se fait le choix de à combien on va le sortir? Bah, ça, on se met d'accord entre nous, tu vois, juste. Ouais. Ça dépend. Il y a des groupes qui sont gourmands, qui se disent 500 cassettes et que tu fais. Oh non, lalala. C'est pas les groupes qui disent je veux sortir tant de copies, tu vois. Jodie Foster. Sauf Jodie Foster. parce que tu vois, quand je vois des groupes comme Mentalité 81, qui est un side project de Syndrome 81, qui a vu l'intégralité de ses cassettes partir en moins de 12 heures, du repress de cassettes, ça fait toujours un peu bizarre. Comment est-ce qu'on peut jauger l'intérêt des gens? Est-ce que les gens achètent parce que c'est un Ils veulent avoir la cassette, tu vois, donc... ouais, s'ils l'ont pas eu, tu genre fais un repress. Mentalité 81, est-ce que t'es pas d'accord avec moi qu'il y a une bonne partie des personnes qui c'est peut-être leur première cassette, juste parce que c'est Mentalité 81? Ah, ça c'est possible, ouais. Et donc, parce que c'est sorti que sur ce support-là et tout. Et on va prendre l'exemple de Kronstadt, qui est lillois. et le groupe qui marchait bien il y a quelques mois, années. Tu t'es dit, c'est parti super vite. Comment est-ce qu'avec un groupe comme ça... Ah, mais là, c'est parce que c'est les potes qui voulaient... Ils voulaient pas... Ils voulaient la discographie, et puis... Oui, mais je parle au niveau... Ah, pour nous le sortir. Ouais. Bah, en fait, c'est juste que j'ai 500, pas... 500, ça aurait pu... Ouais, mais faut les sortir, tu vois, pour faire les 500 exemplaires. C'est la mise de fonds de départ, ça, tu veux dire? Ouais, voilà. Mais tu sais que ça va être amorti. Comme avec Mentalité 80, ouais, le label qui a sorti ça, il savait que ça allait être... Ça s'est vendu en 12 ouais, heures. Ouais, mais c'était pas non plus lead. Enfin, ouais, j'avoue que ouais, c'est toujours un peu limité, tu vois, tout ce qui sort en cassette. Hein. Si après, enfin, je sais pas, ça peut être cool de faire des represses si les groupes en veulent et ont des dates, font des tournées, trucs comme ça. Bah là, tu te dis, bah vas-y, on le represse et puis voilà, ouais. D'accord. On va écouter. Ça là, un truc qu'on n'a pas dit, c'est que il y a une partie de l'argent qui est reversée. Du coup, ce qu'on avait, avait du sens, c'est que du coup, on l'a fait avec Pablo et on s'est dit, il y a une asso qui s'appelle Alarmphone et c'est une asso, c'est un réseau de soutien aux personnes migrantes. En fait, c'est un numéro d'urgence qui, pour les migrants en fait, qui sont pendant leur traversée, s'ils ont besoin d'aide et tout, ils ont un numéro à appeler et ça. Eux, en fait, ils n'ont pas les moyens de venir les sauver et tout, mais ils ont le moyen d'appeler les gardes-côtes et les autorités nationales et de faire bouger ça, en fait, pour pas les laisser dans la merde, quoi. Ou promis à une mort presque certaine. Voilà. Ce qui arrive un peu trop souvent. Justement, le titre là que j'ai pris, bah, c'est le premier de la cassette, The Crossing. Enfin, c'est la traduction anglaise, la traversée, on va dire. Par Hassanat. T'en as encore, celle-là? Et ça, il y en a encore, oui. Ouais. Bon, bah, précipitez-vous dessus. Allez. Eh bien, ce morceau tronqué au départ, c'était à cause de moi et on le repassera. C'était Hassanat avec la traversée. Encore plein de questions et malheureusement, il est déjà attends, 55. On va dire qu'il y a un mec de stupide karaté qui joue dedans. Ah au ouais, Pinot, mec. Finaise. Voilà, pour les archives. Ex stupide karaté. Salut Harald. Alors, où est-ce qu'on pourra te retrouver bientôt pour t'acheter tes cassettes directement de la main à la main et sans engraisser la poste? Là, j'ai pas checké d'agenda et tout, j'ai pas vu les prochaines dates. Tu sais, tu peux regarder sur Spunk. Bah, faut que j'aille faire un tour sur Spunk. Voilà. Mais... écoute, souvent t'es là au CCL, ça t'arrive aussi d'être à la Malterie. Ouais, à la Malterie. Puis dans d'autres concerts, quoi, voilà, sur l'île. Tu vas des fois, tu vas au Pits aussi des fois. Au Pit Watermoulin aussi. Watermoulin. On traîne tous, quoi. Genre. Tu ramènes toujours ta valise quand tu vas voir un concert? Bah, souvent, j'essaye de la prendre, tu vois. Genre, ouais. Pour moi, ça prend pas beaucoup de place. Et s'il y a de la place le soir du concert et tout, il y a moyen. Enfin, c'est facile, quoi. Vous pouvez retrouver aussi Dirty Slap Records lorsque Cyril tourne avec son groupe Chiaroscuro. On l'a pas dit, merde, c'est vrai. Parce que tu joues de la basse dans Chiaroscuro, et à chaque fois que tu pars en tournée, tu prends ta petite valise avec. Bah du coup, ouais, je prends ma basse et ma valise, ouais. Ben voilà, pour tous ceux qui sont intéressés dans les cassettes qu'on a parlé tout à l'heure, ou alors aller checker, tout est disponible à l'écoute sur le Bandcamp de Dirty Slap Records. Et checker les dates de Chiaroscuro. Voilà, et sur ce Bandcamp sur lequel on peut trouver entre autres la cassette de Chien Flic sortie il y a peu. C'est ça ? Ouais, c'était début d'année ou voilà. fin décembre, ouais, ouais. Et puis bah là, puisqu'on en est là, on va passer à un titre qui va mettre tout le monde d'accord. Macron bah. Poufias. Ça discute, t'es Chien Flic. Il nous reste 2 minutes à peine pour dire au revoir, parce que c'est déjà l'heure de se quitter. Cyril, merci d'être venu. Ouais, carrément, ça passe trop vite. Si vous voulez leur... On a voulu passer nos titres, hein, c'est pour ça aussi. Si vous voulez contacter Cyril, c'est Dirty Slap Records avec un S à la fin, @gmail.com. dirtyslaprecords.bandcamp.com et il y a un Instagram ou un Instagram Facebook. Instagram aussi, ouais, dirtyslaprecords, sans les voyelles, records, et Facebook aussi, ouais. Et faites pas vos pinces, hein, donnez au moins 5-6 balles par cassette. Tu vois, finalement. Au moins. C'est ça. Et on se retrouve la semaine prochaine, du coup, avec Gaël qui va s'enflammer, là, parce que là, il a des morceaux, là, il veut tout claquer. Ah ouais, là. On a plein de morceaux, on a trop d'invités. On peut jamais passer les morceaux. J'en ai un, mais il mort va pas... aux invités. Hein? Non, j'ai rien dit. Ouais. Alors là, t'es content d'être le dernier invité, après il y en aura peut-être d'autres. Hein. On se dit au revoir la semaine prochaine pour le numéro 330 de Pyongyang City Rockers. Et en attendant, on n'oublie pas. Ah. Acha. Et on se quitte avec Frammenti, Taglionetto senza anima.